où tu mets les pieds. Non pas sur le gazon, puni d'une contravention. Subir la loi avec souplesse, pénitencier c'est la bonne adresse. Comme les pamperges, avec des fils élastiques là. Qui empêche de sortir là, et comme ça on ne la voit pas. Pourquoi pas toujours se reprogrammer. Mais les lois ça ne se mange pas, mais surtout oui au pénitencier. La ration de ta mort met en toi l'envie de gerber. Ça se fait dans les WC. La Suisse c'est comme les pampers, avec les petits élastiques là. Qui empêche de sortir l'air, et comme ça on ne la voit pas.